le 10 juin nak moy bis bu mag bi xamni sunu borom tabaraka wa taala ci li jël alhaji lamine gueye ñu yobbu ko nak le 11 juin ci bétuaru nakaru waye kéro assemblée nationale lañ ko jikko yobbu ci kanamu président Senghor ak député yi xamni bobu no nekkon ñoom ñep à l'assemblée nationale ak membre gouvernement bi ak magistrat yi ak kilifa diine yépp torok dal mën nañu wax ni Sénégal ci dëgg dëgg kenn de sufi ca kono booba réew mi yëngu woon en 1968 torok noonu woon ci kóor fa ak yu baree bari yu xam ni booba xewoon na fi waaye keroog ci bis booba daanaka ci la yépp dañ ak état d'urgence yooyu yépp ci bis booba la dañ di la 11 juin kero bono yóbbu lamin bi keroog la président Senghor waxa ni kii ku amoon ju dul ngi ni tëdd ku rafetoon xel lool ku sunu borom tabaraka wa taala def ku yëwadoon la ci alalam ku amul culture la masaan wax éloquence am ñépp d'accord nañu ci ku xam ne tey bu ñuy wax démocratie ki tax mu am ci dëgg-dëgg à travers l'Afrique occidentale française mu ngi nii tëdd tey mooy alhaji lamine gueye bu nu jógee nag ca assemblée nationale ca lañu ko indi nag ca Zaïre ba ca kanamu alhaji Abdoul Aziz Khalif général Tijani ak magam ja xaritam ba soppem ba alhaji Thierno Seydou Nour Ibnu Cheikh Omarul Fouturu ak alhaji Ibrahima Niass ak alhaji Ibrahima Diop Serigne Dakaru ba ko xalifa bi dullee nag ba pare ñu koy yóbbu nag ci bétoile fi mu tëdd tey lii moo fa xewoon ci 1968 près de la mosquée Djibril Baye Massa Hassan près de l'Assemblée nationale si la foule est telle que vous l'avez décrite je peux dire que tout Dakar est sorti aujourd'hui pour accompagner le président Lamine Gueye car ici où nous nous trouvons devant le cimetière musulman on n'aperçoit plus un centimètre carré de sol. Tout est noir de monde. Tout est noir ici, au cimetière musulman. Après la mosquée, le cimetière. Ainsi en décide le destin de toute la création de l'humanité. Le sort en est jeté, on n'y peut plus rien. Ici donc, le cimetière musulman de Soumoudoum, qui dans quelques instants va se dérouler sous les yeux en larmes de milliers de personnes, le dernier acte de la tragédie que vit le Sénégal depuis hier. Oui, le peuple est venu, innombrable, anonyme. De quelque côté qu'on tourne le regard, c'est une marée humaine que l'on voit. Les rues menant au cimetière sont noires de monde. Le cimetière en lui-même, qui pourtant occupe une bonne longueur du bord de la mer, est noir de monde. De cette marée humaine se dégagent seulement des bonnets, des turbans multicolores, parasols, bref, tout ce qui peut servir pour se protéger du chaud soleil, quand on a décidé depuis plusieurs heures de l'affronter. Sur la foule, planent les corbeaux et autres gros oiseaux prêts à porter le message sous d'autres cieux. Et aux chants et prières que vous entendez certainement se mêlent le doux et triste chant des moineaux, ces oiseaux dits du paradis, qui eux préfèrent peut-être assister en témoin au grand jour. Mais voilà que nous nous surprenons à parler de paradis, d'au-delà, de Dieu. D'ailleurs, comment peut-il en être autrement dans un cimetière où tout ce qui vit retourne? L'autre jour, à l'occasion de la messe qui était dite pour le repos de l'âme du sénateur Robert Kennedy, nous entendions le vicaire général de Dakar dire que Dieu appelle ce qu'il aime, que tout ce qui vit retourne à Dieu. Et ce matin, en parcourant le Coran, nous avons relu ces phrases. Kullu nafsin sayyi'a. Nous avons relu. Kullu man 'alayha fa'ani. وبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc, dans toutes les religions, c'est la même voix, la voix de l'Éternel. Ici donc, au cimetière musulman de Dakar, tout retourne. Et c'est là que le président Lamine Gueye va venir se reposer. Fin d'une tragédie, disions-nous, parce que fin des cérémonies officielles, fin physique d'un homme, par la mort des organes, par impuissance d'agir, de se mouvoir. Bref, la mort dans toute sa brutalité, avec tout ce qu'elle comporte de chagrin, de mal physique, ainsi qu'on le définit scientifiquement en termes de médecine. Mais comment, devant ce cimetière où le repos éternel est loi, comment devant la tombe déjà creusée de Maître Lamine Gueye, dernière demeure de l'homme, comment ne pas s'interroger sur le sens d'une vie, tel qu'on le fait en de pareilles circonstances à quelque religion qu'on appartient. Tu es né de la terre, tu retourneras à la terre. Terrible avertissement que les chefs religieux musulmans et les prêtres catholiques ne cessent de répéter à leurs fidèles. Fais honnêtement ton chemin et une vie droite. Aime ton prochain, œuvre pour la paix et le bonheur des hommes, tes frères, comme si tu devais mourir demain. Voilà un autre conseil qu'on entend à la mosquée ou à l'église. Conseil moins accablant certes, mais qui en définitive ramène à la mort. Le 11 juin 1968, Ibrahim Al-Hajj Cheikh Saïd Nour, ci kanamu alhaj ibrahima niass ci kanamu alhaj abdul aziz khalifa bu tedd bi ak ci kanamu serigne dakaru bonu lata nangu alhaj lamine gueye li la alhaj tienou seydou nour wax ni deggu waxna sank neena mom bi waxna sank lor lu metti metti neena lor lu mu metti metti dana daganal lo xamne neena masla la ci bour ngen may ñu teggin neena ngen may yar ak teggin ngen tutural ñu neena ñu andi ko neena ngen def ndank and ak seen sago ba seen borom duggal ko ci biir plaasam neena ñun ñepp ñu ñaanal ko neena loolu moy li nga xamni mo gën neena yëngu yëngu bi neena mu ci bala amul gën solo neena du diine du daraja woné sa bop rek néna woné sa bop rek la woné sa bop nak néna woné sa bop nak mutu ko ci fi jamm néna mutu ko ci fi jamm tout doyna sa sen borom néna seni borom bu len neexon bu ñu kenn jogé yow ñu ne bu len kenn jégué no mom sun neew no mom sun neew wana ñom ñu téw néna way ñom ñi téw yeen ngeen leen bok yeen ngeen gën leen wané ni yeen leen gëna bok ak ñom néna lolu musiba rek la amul ben jari néna na ngeen yaru tété té bay ko seen loxoy borom na ngeen ko bay seen loxoy borom lolu abdou wax néna lolu abdou wax lolu serigne dakar wax lolu alhaji ibrahima wax lolu alhaji ibrahima ñu wax néna du bu gisé mom bi cierna di len ko jotali am xam xam néna du xam xamam du yagne daraja du yaf yep daraja du yagne serigne du yaf gën serigne malim mag rek néna mo len mag rek néna lo rek tam wax ko cierum la wax donu dencé nak alhaji lamine gueye ba paré tal haji cielo seydou nuru wax lolu ce baba adina bi yep di deglu alhaj abdul aziz khalif general tijani ngir wolere alhaj lamine gueye ak alhaj abdul aziz wolere ibrahim gueye bayam ak cheikh sid alhaj malik wolere kuro wali yayam ak wa keur cheikh sid alhaj malik ak wolere lamine gueye ak sidi oubakar si khalifa bu tedd ba ak alhaj mansour ak wolere lamine gueye ak kilifa diine yi nekkon bobu yep senegal xana rerewul len digeentem ak sanga bu tett bo sidna isa lay xana ken rerewul digeentem ak sidi cheikh macke ken rerewul won digeentem ak sidi mohammed mustafa macke ak digeentem ak sidi fadlu ak kilifa yi xamni bobu nongon ko rew yep alhaji abdul aziz khalif general tijani nak banu dencé lamine ba paré le 11 juin 1968 li le khalifa bo wax xam ngeen ne ki mbubum teral mu nek yallu wek nako ci aduna ak laxe kep ku fi nek di kilifa bi l'islam bañ nga sa lepp tay ñew fi ngir mom kep ko xamni ki yaang fi di kilifa ak aduna bañ nga sa lepp ngir mom gis ngeen nit ñi ki du lu ñu leen di nekkal yene ko gisat seen bëtt xam ngeen ni ñi fi dajé du kenn ku ci nak la ñu jox na la manda wala mu jeen deureum digal tuuti jox lako ñi ngi leen jënde ci ngor ak l'islam ak jikko yu rafet ak yaddan ak muñ war na nek tay war ak bindu bu bes la ci ñun ñun ñep war nañu delo suñu xel ci yalla te xam ne lu fi way nak war nga fa jëm di def lu baax ndax so fi joge ëll ngam taxaway bu rafet ñun ñep war nañu delo suñu xel ci yalla te xam ne lu fi way nak war nga fa jëm di def lu baax ndax so fi joge ëll ngam taxaway bu rafet bu ko deful ci leen nga jëm amul kecci أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغن القلل أين عاد أين فرعون ومن ملك الأرض وولى وعزل ينيب لن يرفلك بفلة دبنا نتاج لم ينجيني دبنا بريزيدانتي مونك أنا متاج أين هو الآن جيوه لنا فتاني مبق تدولي جلن يالا دين كن يندي كده خلوبا بلن كو خيخ دولي دو خيخ dole des te yere mo xatuma la dole yalla te man zalama ibadallahi kana allah khasmuhu yawm alqiyamah lamine gi ni genn na karam tay jinni yak fess bamu dan togal jog aduna yep di deglok jeexna dara amatul tay nidul ñeen fukki xalaas ak ben ak diko yakaral ndegal ci yalla diko ñaanal gor gor lu len aduna du keur aduna du keur aduna du keur dara nga ñu len yalla jox bu len ko walba ci ko def ko gannaay diko xexa seeni morom waxatuma la fekk sa mbokum julit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu war ne ëllëg dees di roc ci doole ji ni ki la min nga ñëw tëdd di dootoo man dara fay bokk duñ la waxal lu baax dara jaru leen tuuti man waxuma politique waxuma pour ñàpp lo diisé dama leen di wax ne man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu def fa suñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi la nekk te xamuloo ni ngay dikke lan la ju xam ci biir lamin ni mu nekk léegi ku ci xam dara la yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak di jort allahu subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp dana dem sa des kullu nafsin zaiqatu lmawti kullu cheyin halikun illa wajha kullu man aleyha fanin wayabqa waju rabbika dul jalali wal ikrami nañu jaamu yàlla te bàyyi par parloo bi te bàyyi pomi te jéem a xam lu yàlla xam nañu koy jaamoo waaye di dugal di génn te tëral sa lammiñ te kenn suñëwu la permis nga sëgg ci deru gor yi soo lëggee daa dajeeg koo xam ne kii avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy chise ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay la yorteel yàlla ba mu xam ne kii mooy avocat bi gañ na mu ne day na la dëgg de nañ jaamu yàlla te bàyyi pomi te bàyyi kattan ñi ñu dëñ nit ñu fab ko jox ñu bi seen dooley bopp yàlla baaxee leen jiital leen suñu kanam ñu fab doole yi jox nañu walba ti ko tëgg ko gànnaay di ko rey jaam yàlla yi du dëgg jaamu leen yàlla te leen bàyyi caaxaan la moo di dëgg.